Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Hichaste na yaunya chaya objeto nakata, ukatarake, humanakaste, sanyamanakaste kun nayak lurtha. Hichaste na yaunya chaya objeto nakata, ukatarake, humanakaste, sanyamanakaste kun nayak lurtha. Prenez. Churita. Churita. Donnez-moi les lunettes. Nayar churita nayar uchasiña. Nayar churita nayar uchasiña. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Uchhat me lapicerota papel envian patjaro. Uchhat me lapicerota papel envian patjaro. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Volteima jarrocheta, ukatarake, katma papel kuchuña. Volteima jarrocheta, ukatarake, katma papel kuchuña.